forme qui frappe. Quand tu vois ça, tu craques. Autrement dit, c'est des fringues à des prix super dingues. Un look à tout casser. La classe à bon marché. La super qualité. Tout le monde se les arrache. Quand tu vois ça, tu flashes. C'est des couleurs qui claquent. C'est des formes qui frappent.